S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce verre jamais bu. S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce mot jamais dit. Demain sera l'immense par des grâces, des uppercuts. Amasanjo, Amanjo, Mandiego. J'ai cru rater, mais cette mauvaise pierre fut un beau silex, un joyau sirim, sirim. Amasanjo, Amanjo, Mandiego. Poussière du Sahel que viennent jeter des effs sur l'Europe, les frontières se déchiquettent, des messages arrivent télépathes. Agedalu, Amandie, Amanjo, Afandiele. Amasanjo, Amanjo, Mandiego. S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin du délice, ce verre jamais bu, le ciel se couvre d'îles. Люджу приносит новое пробуждение с каждым треком и возрождение с каждым альбомом. Под руководством Дени Пиано, возвышенными божественными голосами сестер Амины и Нади Нид Эль-Мурид, продолжает удивлять каждой записью. Как пишет Гардиан, каждый их альбом – это переосмысление. Желтовато-коричневые листья – не исключение. Утопия Люджу обладает силой гипнотизировать и восхищать. Étrange le sens, étrange l'existence, le sort, l'habitude. Étrange les amours, des mots qui ne se laissent prendre. Dans une rue d'Harlem, une fille s'appelle Kofi. Étrange le jazz. Une chanson qui s'appelle Angel Eyes. I'm étrange le sens, étrange l'abondance. L'histoire, l'évidence, étrange les amours, des mots qui ne se laissent prendre. Qu'écume d'équinoxe, petite pluie d'harmonique. Альбом «Желтовато-коричневые листья» полон надеждой в хаосе мира. В альбоме «Люджу» приглашает нас на прогулку. Каждая песня – это путешествие, каждое слово – странствие, каждый звук – приключение. «Люджу» – изящество и сладость звуков мира, позволяет нам созерцать его с восторгом. Viens, déesse syllabe, flamme des voyelles pour des couronnements. Des sacres de ficelle, viens pour des salutations, des tourbillons d'atomes. Estropié, j'arrivais fruit amer, messager d'une langue foudroyée. Témoin des navires échoués, je ne sais rien, je suis la rosée, le battement des rimes. J'arrivais éprouvé occitan, cavalier de mots déracinés, des patries frivoles d'Alexandrin semé. J'étais beau arrivant dans les villes, près des bistrots enflés de peine, le soir m'émeut comme j'aime les mots qui désordonnent. Группа «Люджу» родилась в 1982 году в деревне недалеко от Анже в окружении молодого поэта Дени Пиана и друга-скрипача, с которым он познакомился в Анжерской консерватории, Ришара Буро. Это было время, когда формировались панк-группы и группы новой волны. но Пиан решил выделиться, создав иконоборческую, основанную на сообществе группу. С каждым новым участником и с каждым новым уходом Люджу становились группой, в которой влияние культур и искусств сливается воедино, создавая мировую музыку, опережающую время. Something strange happened here. Something strange. Something strange. Rien n'incline le temps. Son chant, il a du vent, l'élégance des fleurs d'un jour, celles qu'on ne cueille. Des mots qu'on attelle à l'émoi, à la fièvre. J'ai dit ces ombres, j'ai dit ces paradoxes. J'ai dit à demi-mot, j'ai dit sa fêlure, plénitude. Rien n'incline le mouvement. Aïe, d'un papin, toco, appelé sa panaligio, panaligio. Rien n'incline le temps. Il boit son satin, il porte une couronne de bémol tressé, une canne d'aveugle, une boule de cristal. Le temps qui mendie sous le porche pour quelques pépins de mandarine. Le temps. J'ai dit ces nombres, j'ai dit ces équivoques, j'ai dit sa blessure, mansuétude. Rien n'incline le mouvement. L'homme est bien peu de choses, mon ami. Il triche et se méprend, se brûle et se repent. L'homme est peu de choses, Si le soir il est hasard, le matin il est destin. L'homme est bien peu de choses, mon ami. Jamais l'animal ne ment, ni le ciel, ni le pigment. Mais l'homme s'abuse à se croire plus fort que le vent. L'homme est bien peu de choses, mon ami. Il triche et se méprend, se brûle et se repent. L'homme est peu de choses. Si le soir il est hasard, le matin il est destin. Mais quelquefois il vole de son archer, il frôle. Avec sa bouche il fait des perles, avec sa main il danse. И музыкальная история коллектива «Люджу» уникальна. Прежде всего, потому что группа удивительным образом мирит французский шансон с африканской, арабской, итальянской музыкой, джаз с элементами уличного театра и цирковых выступлений. Результатом становится шоу, достойное именоваться скорее спектаклем, нежели обычным концертом. Новый альбом «Желтовато-коричневые листья» является реализацией движений в картину жизни с тонкой звуковой сценой, которая захватывает светом мелодии, теплыми ритмами и лирикой. Thank you. j'étais beau. Arrivons dans les villes, près des bistrots enflés de peine. Et le soir, m'émeut. Comme j'aime les mots qui désordonnent. Инструментов и голосов возрастает до совершенства. Люджу находится на пике своего мастерства. Их музыка – это сплетение из огромного количества стилей, так что разделить или выделить что-либо не представляется возможным. ее вкус совершенно цельный и неповторимый. Joséphine, viens-tu du jazz ou du mambo? De Rodrigue Sarajevo, du hip-hop, du tango, d'Angola, de Diego, de Thiago. Joséphine, tu sais qu'on peut faire chavirer même le cœur le plus fané sur le tempo du chamamé. Sur la cadence enflammée du fourreau. Joséphine, d'où vient ton amitié? Sa corde longue à raison de ta digne apostrophe. Joséphine, les harmonies fêlées. Viens-tu du rap ou du mambo? De Marseille, Porto Novo, du hip-hop, du tango, de Shanghai, de Diego, de Chagos. Tes péchés en diamant font un collier au firmament. Joséphine, tu sais qu'on peut faire chalouper même le cœur le plus blasé sur le tempo du chamamé. Sur la cadence enflammée du fourreau. Thank you. кочевники, дети мировой музыки, музыкальное племя. Журналисты соперничают друг с другом в попытках описать мир Люджу. Определяя прикосновение этой космополитичной группы, которые остаются такими же, как и их творение. Люджу – желтовато-коричневые листья 20 сентября 2024 года. J'ai oublié le temps, la syncope quand elle frôle les feuilles fauves. Aide-moi à faire courir sur l'atlas le doigt de l'innocence, le mouvement d'archer d'un quatuor de songe. No se puede olvidar sacro monte. Ni la sangre de la mamá del duende, la sangre del duende. Donne-moi l'âge des secrets d'aller, j'ai oublié.